Bienvenue à une autre édition de Web Musique. Vous êtes en compagnie de Simon Roy et ce pour la prochaine heure. Plein de bonne musique en téléchargement gratuit. Ça va aller un peu comme à l'habitude dans tous les genres, surtout musique électronique ce soir. On va débuter avec un artiste du nom de Dzada. C'est la pièce Nevado. C'est tiré de la compilation NetBlock Volume 42 de l'étiquette Block Sonic. C'est donc intitulé Live the Universe and Everything. Ça fait un petit rappel au chiffre 42. Ensuite de ça, ça va être Julian Meyer avec la pièce If You Are. C'est tiré de la compilation sur Atlantics Volume 3 sur Astro Nautico. Et enfin, on va compléter ce bloc avec la pièce Crude Animal. C'est par Ofzen, c'est tiré ça de l'album Common Sense. He flew away. C'était donc une pièce de Ofzen Crude Animal. Avant ça, on entendait Julian Meyer avec la pièce If You Are et on avait débuté le bloc avec Zada, la pièce Nevado. On poursuit avec un peu de rap palestinien. La pièce est en arabe, donc je ne peux pas vraiment vous donner le titre. Ça va être suivi par Ventolin and Bekotai de la pièce Winter Knucklelands. Et enfin, un peu de dub avec Dub Grammar, la pièce Valiant Thor. Vous êtes toujours à l'émission Web Music à l'antenne de CKRL 89.1. Yeah.

CKRL.

C'était la pièce Secret par O'Mara. C'était tiré de son petit EP Feelings. C'était précédé ça par la pièce Pesdef par Langa Magam. Et enfin, on avait débuté le petit bloc avec DJ Galessio, sa pièce intitulée Clown, tirée de son album complètement débile Cirque de Poche. On poursuit Web Music avec Sick Rat. Je vous fais entendre sa pièce Double Personality. C'est avec Vitality. C'est tiré de son LP Abstract. Ensuite de ça, Origami Biro. Je vous fais entendre la pièce Sedimental Value. C'est un remix par Kei Konjong. Et ensuite de ça, on va entendre un peu de Hi. C'est la pièce Hello Gorgeous. hours to decide from the run of events, which is all hard for each mile you travel to get here. That's in addition to all the road prices. Thank you.